Triplette de Blainville sont arrivées en ville, au Corée du Ville, pour semer la bisbille. Les triplettes de Blainville sont arrivées en ville, au Corée du Ville, pour semer la bisbille. Première est pas trop laide et elle s'appelle Juliette. C'est sur sa trottinette qu'elle court la galipette. La première est pas trop laide et elle s'appelle Juliette. C'est sur sa trottinette qu'elle court la galipette. La deuxième est bien belle et elle s'appelle Adèle. Si elle avait des ailes, elle serait une hirondelle. La deuxième est bien belle et elle s'appelle Adèle. Si elle avait des ailes, elle serait une hirondelle. Oh yeah! Hey! La troisième est très jolie et elle s'appelle Lily. La marche est son hobby quand qu'elle va à l'épicerie. La troisième est très jolie et elle s'appelle Lily. La marche est son hobby quand qu'elle va à l'épicerie. Hey! Triplettes de Blainville, hey! Sont arrivées en ville, hey! Au Corée du Ville, hey! Pour semer la bisbille. Triplettes de Blainville sont arrivées en ville, au Corée du Ville, pour semer la bisbille. Les triplettes de Blainville sont arrivées en ville. Ah oui, ils sont ici. Offrir aux habitants de Québec un tout petit bec. Les triplettes de Blainville sont arrivées en ville. Offrir aux habitants de Québec un tout petit bec. Blainville, c'est pas une ville, ça. C'est un trou.